Le festival aéronautique pour l'amitié internationale de Wonsan 2016 s'est déroulé dans la province du Gangwon. L'ouverture a eu lieu le 24 septembre à l'aéroport de Kalma. Avant la cérémonie d'ouverture, les participants ont déposé une corbeille de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il dans la ville de Wonsan et rendu hommage. À la cérémonie ont participé les membres du comité préparatoire du festival, les amateurs de sport aéronautique et les travailleurs de la ville, avec David Thompson Lawrence, vice-président d'honneur du comité préparatoire et directeur de l'agence de voyage Chuché de Grande-Bretagne, les représentants diplomatiques de divers pays en Corée et leurs collaborateurs, ainsi que les hôtes étrangers de divers pays et régions. Après la cérémonie, on a vu le vol d'adresse des avions militaires et civils. Le soir du même jour, le théâtre à ciel ouvert de la jeunesse de Sandowon a abrité le spectacle d'ensemble donné par les artistes de la troupe d'État d'art national, de la troupe artistique de la province du Gangwon, les élèves et les petits des écoles maternelles de la province. Le 25, il y a eu la descente en parachute des joueurs et amateurs du pays et de l'étranger et le pilotage des modèles réduits d'avions. Les festivaliers ont admiré la zone du tourisme Wonsan Massif Kungan à bord des avions de différentes sortes. Le soir du 25, les jeunes étudiants ont organisé le bal pour féliciter la réussite du festival sur la place de Haehan de Wonsan.